Chapitre 31. La datation. Le professeur Wolfe les guidait à travers le brouillard. Quand Ophélie le perdait de vue, elle suivait le crissement de ses souliers. Elle ne pouvait se fier qu'à ses oreilles. Il n'y avait plus un bruit, plus un cri par-dessous le vent. Qu'étaient devenus les hommes du sans-peur? Avaient-ils fui? Étaient-ils morts? Et l'assassin, se trouvait-il toujours ici, quelque part dans la cour? Ophélie mordit sa manche pour s'empêcher de tousser. La poussière l'étouffait, l'aveuglait, l'assourdissait. Elle se cogna à Octavio lorsqu'il s'arrêta brutalement devant elle. Le professeur les avait conduits jusqu'au mur d'un immeuble. « Montez » grommela-t-il. « Vite !» Ophélie remarqua l'échelle de secours qui menait vers le toit. Elle grimpa les barreaux l'un après l'autre, glissant sur la mousse, déstabilisée par les bourrasques. Plus elle prenait de l'altitude, moins la poussière était dense. Quand elle atteignit le dernier barreau de l'échelle, elle était à bout de souffle, mais elle respirait mieux. Elle aida Octavio à se hisser à son tour. Le sang qui s'écoulait de son sourcil et de son nez formait une mélasse sur la moitié de son visage. Le toit était une immense terrasse de lavande qui ondulait sous le vent, telle une mer. Le professeur Wolfe en fendit les flots d'un pas nerveux. Ses habits, ses cheveux et sa barbiche noire déposaient des taches d'encre sur les couleurs environnantes. Sa Minerve l'empêchant de tourner la tête, il pivota sur ses talons pour faire signe à Ophélie et Octavio de presser l'allure et s'assurer au passage qu'on ne les suivait pas. Les toits étaient reliés les uns aux autres par des arcades en pierre. Il y poussait de tout, des romarins, des lauriers, des citronniers, mais aussi des orties et des lianes. Vu du sol, le quartier n'était qu'un monde de poudre. Vu de haut, il se transformait en une jungle labyrinthique. Le professeur emprunta un escalier qui montait jusqu'à une vieille serre surélevée. La porte en était si rouillée qu'il dut l'enfoncer d'un coup d'épaule et il maugréa beaucoup de jurons animistes avant de réussir à la refermer derrière eux. Il se servit ensuite de son tronc blanc pour bloquer l'entrée. La serre était envahie de mauvaises herbes et de mouches. Des foulards multicolores colmataient les trous laissés par les carreaux manquants. Le vent sifflait à travers toutes les fissures, mais ce bruit-là produisait l'effet d'un silence après le tumulte du dehors. Ophélie se laissa tomber sur la bordure d'un bassin asséché. Elle massa son cuir chevelu encore douloureux. Ses boucles avaient pris des proportions apocalyptiques. « Allez-vous nous dire ce qui... »« Taisez-vous donc !» la coupa le professeur Wolfe. « J'essaie de me concentrer !» Il avait collé son œil à une longue vue pour observer la cour d'immeuble que la serre surplombait de haut. Ophélie regarda par les vitres sales. Elle ne voyait du monde d'en dessous que des tourbillons rouges qui enflaient, ondulaient, éclataient et se reformaient dans une danse sans fin. Elle avait presque peine à croire qu'ils étaient piégés là-bas quelques instants plus tôt. Elle rinça ses lunettes au robinet du bassin. Elle repéra autour d'elle un arsenal de vieilles armes parmi les plantes, ainsi qu'un lit de camp, des boîtes de conserve, de la vaisselle et des piles de livres. Le professeur avait transformé cette serre abandonnée en bunker. Ophélie s'inquiéta du mutisme d'Octavio. Il s'était avachi dans un coin au milieu des fougères, les jambes repliées contre lui. Les deux mains cramponnées à ses genoux, il tentait de calmer les secousses de ses doigts tuméfiés par les coups. Sa frange dissimulait son visage à la façon d'un rideau. Ophélie chercha un récipient. Ici, comme dans l'appartement du professeur Wolfe, les objets étaient aussi farouches que des crabes qui se seraient renfoncés dans des cavités de rochers. Elle attrapa de justesse un bol de fer blanc qui essayait de se cacher derrière un cactus. Elle le remplit à ras-bord, puis, le maintenant de force, elle y trempa un mouchoir pour nettoyer le sang d'Octavio. Ce dernier se laissa faire sans protester. Ses yeux fixaient un point sur le côté, évitant avec soin de croiser les siens. Toute sa fierté semblait avoir volé en éclats avec sa chaîne d'or. « Merci, » lui murmura-t-elle. « Je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. » Un pli amer tordit la bouche d'Octavio. « Je ne suis pas à moitié aussi héroïque que tu le suggères. J'ai eu envie de le frapper dès l'instant où il s'est tenu devant moi. Really, envie. » Même maintenant qu'il est mort, j'en ai toujours envie, parce qu'il a vu plus clair en moi que mes propres yeux. Si ma mère apprenait ce que j'ai fait, elle l'apprendra, corrigea-t-il aussitôt avec, inscrit sur le visage, un profond dégoût de lui-même. Je le lui dirai, face à face. Ophélie contempla l'eau rougie du bol qui continuait de se débattre entre ses doigts. Combien de secrets, combien de pensées avait-elle dissimulé à sa propre mère pour éviter d'être jugée? Elle sortit les ailes qu'elle avait gardées dans sa poche pour les lui rendre. « C'est vrai, » dit-elle. « Tu es quelqu'un de bien. » Le professeur Wolfe se détourna brusquement de la vitre, sa longue vue se repliant d'elle-même dans un déclic sonore. « La garde familiale vient d'arriver. Quelqu'un a dû les alerter. Il va y avoir une enquête qui conclura, comme d'habitude, un malheureux accident après tout. Le crime n'existe pas dans notre belle cité. » Octavio releva les yeux par-dessus les fougères pour le scruter d'un air offusqué. Son froncement de sourcils refit aussitôt saigner sa peau déchirée. « Vous frôlez l'antipatriotisme, professeur. Je ne vous dénoncerai pas si vous venez témoigner avec l'apprenti Eulalie et moi-même. Nous devons relater les faits tels qu'ils se sont déroulés. » En vérité, Ophélie n'y tenait pas tellement. Si elle faisait une déposition, on vérifierait son identité et on lui poserait tout un tas de questions qu'elle préférait s'épargner. Le problème fut réglé lorsque le professeur Wolfe s'empara d'une carabine parmi sa collection d'armes et mit en joue ses deux invités. « Vous n'irez nulle part !» siffla-t-il. Son arme était aussi préhistorique que le tromblon qui lui avait explosé entre les mains, mais ça ne paraissait pas l'inquiéter outre mesure. Sa barbiche carbonisée lui donnait l'air redoutable. « Que maniganciez-vous devant ma porte? Qui vous a envoyé ?» Le teint d'Octavio passa du bronze au plomb. Il n'avait pas reculé face au sans-peur, parce que la violence était alors pour lui une notion abstraite. Depuis, il en avait fait l'expérience avec son corps. Ophélie, quant à elle, ne voyait pas la carabine du professeur. Elle ne voyait que la peur tapie au fond de son regard, une peur plus considérable que celle qu'elle avait elle-même éprouvée dans cette cour d'immeuble. « Nous sommes venus de notre propre volonté, » répondit-elle. « Nous avions besoin de votre aide, et j'avais, moi, besoin de votre pardon, » ajouta-t-elle avec une inspiration, « pour avoir bafoué la déontologie d'Eliseur sous votre propre toit. Vous avez le droit de me considérer comme une ennemie, mais la réciproque n'est pas vraie. » Les lèvres du professeur Wolfe se convulsèrent. S'il ne reposa pas sa carabine, il en abaissa imperceptiblement le canon. « Pourquoi auriez-vous besoin de mon aide ? Vous êtes la seule personne vivante à comprendre ce qui se passe réellement, à pouvoir en parler en tout cas, » précisa Ophélie avec une pensée pour Médiana. « Celui qui a tué Miss Silence et le sans-peur, vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas ?» Les yeux du professeur, aussi vifs que des balles de pistolet, passèrent d'Ophélie à Octavio. « Vous deux, vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi vous venez de vous frotter. Un bon conseil, cessez de fouiner. Pour ma part, ça ne m'a rapporté que des ennuis. Moins vous en saurez, mieux vous vous porterez. » Octavio, qui était resté recroquevillé dans son coin jusqu'à cet instant, se leva avec lenteur, épousta son uniforme et redressa les épaules. « Nous sommes des apprentis avant-coureurs. C'est notre devoir de savoir faire et de faire savoir. » Le professeur Wolfe ricana sans lâcher sa carabine. Il y avait toutefois de moins en moins de hargne dans son attitude. Les muscles de son visage et de ses bras fléchissaient, cédant peu à peu sous le poids d'un fardeau trop lourd. Ophélie estima qu'il était temps de le porter avec lui. « Avez-vous lu les livres de Idi ?» Elle sentit sur elle le regard brûlant d'Octavio, qui surprenait cette question dans sa bouche pour la seconde fois. Le professeur Wolfe précipita une main vers sa Minerve, comme si Ophélie venait de lui couper la respiration. « Comment avez-vous ? Que savez-vous ? Peu et trop à la fois. Si je dois avoir peur, je voudrais au moins apprendre pourquoi. J'ai besoin de connaître la vérité. »« Votre vérité, » conclut-elle doucement. Après une interminable hésitation, le professeur Wolfe prit place sur son lit de camp, puis reposa sa carabine. Il paraissait tout à coup extrêmement las. « Ma vérité, » maugréa-t-il sans cesser de caresser sa Minerve, « c'est que je suis un lâche. Prenez un siège, nous allons nous entretenir un moment. » À peine eut-il grogné ces mots que deux chaises de jardin sortirent des ronces et s'avancèrent sur la pointe des pieds. Elles étaient si craintives qu'Ophélie dut s'asseoir de tout son poids sur la sienne pour l'empêcher de faire marche arrière. Elle allait enfin voir s'assembler les pièces du puzzle. Le professeur poussa un long soupir en contemplant ses gants noirs de liseur. « Je suis un spécialiste de guerre de l'Ancien Monde. Je l'étais déjà avant que ce mot soit mis à l'index, » s'agaça-t-il en voyant Octavio sourciller. « Peut-être pas un virtuose comme vous le deviendrez un jour, mais l'un des meilleurs experts en datation. Le mémorial est un endroit qui m'a toujours fasciné pour son passé d'école militaire. Il était une époque où j'avais mes entrées au secrétariat, mais où je pouvais lire les collections d'origine. J'ai vu ma discipline être de plus en plus déconsidérée au fil des lois et des décrets. Les lords de luxe m'en ont retiré l'accès du jour au lendemain. Armes, décorations, témoignages, correspondances, » énuméra-t-il en dépliant l'un après l'autre les doigts de sa main. « Toutes les collections relatives à la guerre ont été évacuées du mémorial comme des déchets. Et puis, ça a été le tour des livres. Romans d'espionnage, romans noirs, romans de cap et d'épée ont disparu des rayonnages. Une véritable purge. » Le professeur Wolfe foudroya du regard les deux apprentis qui lui faisaient face, comme s'ils étaient personnellement responsables des faits. Ophélie le comprenait sans pouvoir le lui dire. Elle avait vécu l'épuration de son musée comme une amputation. Octavio, pour sa part, n'émit aucun commentaire. Dès l'instant où il s'était assis sur sa chaise de jardin, il avait croisé bras et jambes dans une attitude renfermée. « Le mémorial d'aujourd'hui n'a rien de comparable avec celui que j'arpentais quand j'étais étudiant, » reprit le professeur Wolfe. « Il m'a été de plus en plus difficile d'y trouver des ressources pour mes recherches. J'ai assisté, impuissant, à l'appauvrissement des documentaires, des archives et de la littérature historique. » En fait, c'était pire que ça. Cette maudite acoustique, Miss Silence, ses oreilles me suivaient à la trace. Dès qu'elle m'entendait feuilleter un ouvrage, elle l'envoyait directement au service de censure. Elle surveillait mes moindres faits et gestes au mémorial, comme on surveille le vol d'un vautour au-dessus d'une carcasse. De son point de vue, si un spécialiste de mon genre jugeait un livre digne d'intérêt, alors ce livre était forcément subversif. Je passais mon temps à l'éviter, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas être entendu d'elle. C'est ainsi que j'en suis venu à me rabattre par dépit sur le département jeunesse. » Une bourrasque plus forte que les autres fit trépider une vitre de la serre. Il n'en fallut pas davantage au professeur Wolfe pour bondir sur ses jambes, sa carabine à l'épaule. Ses yeux écarquillés sous ses grands sourcils noirs lui donnaient l'air un peu fou. Ophélie ne put elle-même s'empêcher d'observer les mauvaises herbes autour d'eux. Sans doute était-elle gagnée par la paranoïa de cet homme, mais elle ne venait pas à bout de la sensation d'être épiée. Quand il comprit que c'était une fausse alerte, le professeur se rassit pesamment, faisant grincer les ressorts rouillés du lit. Il passa une main sur sa figure creusée par l'insomnie, rongée par l'angoisse. « Je ne me suis pas immédiatement intéressé au livre de E.D. » Comme tout jeune babélien qui se respecte, j'avais une fois ou deux monté l'échelle interdite aux enfants de mon âge, désireux d'approcher ces contes rangés trop haut. Et les trouvant ennuyeux à mourir, je m'étais empressé de les reposer à leur place. » Octavio acquiesça, sans décroiser ni les bras ni les jambes. Sur ce point au moins, il rejoignait le ressenti du professeur Wolfe. Face à leur réaction conjuguée, la curiosité d'Ophélie atteignit les aigus. « En quoi est-ce devenu différent ? » demanda-t-elle. « Qu'avez-vous découvert à propos de ces livres que vous ignoriez étant enfant ?» Le professeur grimaça comme s'il venait d'avaler du lait caillé. « Au début, strictement rien. C'était toujours les mêmes histoires bien pensantes, le même style poussiéreux, la même langue mal vieillie que dans mes souvenirs. Tous ces contes semblaient n'avoir été écrits que dans une seule intention, faire l'éloge du nouveau monde. » Comment les 21 esprits de famille sont devenus les formidables parents de l'humanité, déclama-t-il en roulant des yeux. Comment les arches ont été miraculeusement repeuplées par leur descendance. Comment les pouvoirs familiaux se sont merveilleusement propagés au fil des générations. Comment sont apparus les maîtres des objets, les maîtres de l'espace, les maîtres de la gravité et toute la clique. Comment la paix a remplacé les guerres, bref, ce genre de blablabla. Je ne serais jamais allé plus loin s'il n'y avait pas eu autre chose. Il déglutit sous sa minerve. Pendue à ses lèvres, Ophélie se penchait tellement sur sa chaise de jardin qu'elle finit par basculer en avant. « Si les histoires du ID ne valent pas un clou, » poursuivit le professeur Wolfe d'une voix serrée, « ces livres m'ont intrigué en tant qu'objet. Comprenez qu'il ne s'agit pas de réédition, ce sont tous des ouvrages d'époque et je les trouvais remarquablement bien conservés, trop bien conservés en fait. Je suis un expert en datation, » rappela-t-il avec un rictus sarcastique. J'étais convaincu que le mémorialiste qui les avait catalographiés avait commis une énorme bourde. Ces contes n'avaient pas pu être imprimés à peine un siècle après la déchirure. Ils étaient forcément plus récents. Ma conscience professionnelle m'a dicté de proposer mes services de liseur au mémorial pour offrir à cette collection une expertise en bonne et due forme. Non. Murmura le professeur davantage pour lui-même qu'à Ophélie et Octavio, qu'il ne paraissait plus vraiment voir. « Pas ma conscience, mon arrogance. Je voulais leur faire regretter de m'avoir si mal jugé. » Il eut un ricanement sans joie. « Non seulement j'ai essuyé un refus catégorique, mais en plus, j'ai attiré l'attention de Miss Silence sur les livres de E.D. » Ophélie retint son souffle. Le puzzle commençait enfin à prendre forme devant ses lunettes. Voilà pourquoi Miss Silence avait essayé de détruire la collection au grand complet, à cause de l'intérêt que lui avait porté le professeur Wolfe. « Qu'avez-vous fait alors ? » demanda-t-elle. « La chose la plus stupide de toute mon existence. J'ai volé un livre. » Octavio ne prononça pas un mot. Mais ses yeux se remirent à rougeoyer comme des braises. À Babel, le vol était un délit extrêmement grave. Ophélie ne partageait pas cette désapprobation. « Ce livre, vous l'avez toujours ? C'est l'ère des miracles, n'est-ce pas ? Pourrais-je le voir ? » ?»« Non. » La réponse du professeur avait été aussi cinglante qu'un fouet. « Non ? » ?»« Non, vous ne pouvez pas le voir. Non. » Ce n'est pas l'ère des miracles. Non. Je ne l'ai plus en ma possession. Si vous voulez entendre ma vérité, s'impatienta-t-il, il va vous falloir la boucler, jeune dame. Ophélie referma la bouche pour contenir ses questions. J'ai volé un livre, insista le professeur Wolfe. J'en ai choisi un à la hâte parmi la collection de E.D. Je l'ai dissimulé dans ma veste et je suis sorti en évitant les oreilles de Miss Silence. « À peine rentré chez moi, j'étais atterré par ce que je venais de faire, » marmonna-t-il tandis qu'il détournait le regard. « Je ne me suis jamais senti coupable de prononcer des mots mis à l'index ou de collectionner des objets interdits, mais voler. J'avais donné raison à tous ces mémorialistes qui me considéraient comme un homme indigne d'être appelé professeur. J'ai songé à télégraphier à Sir Henry pour faire amende honorable, lui expliquer mes motivations et dénoncer Miss Silence. Ce lord n'est pas réputé pour faire dans les sentiments, mais il s'est toujours opposé à la destruction des livres. » Ophélie avala péniblement sa salive. Chaque fois qu'il était question de Thorne, elle avait l'impression de se crevasser davantage. Le professeur Wolfe grigna un mauvais sourire qui dévoila ses dents du bas. « Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas contacté Sir Henry. Je n'ai dénoncé personne. À la place, j'ai lu le livre avec mes mains. » Le silence du professeur fut si brutal qu'Ophélie et Octavio finirent par échanger un regard. Il était devenu très pâle. Ses favoris noirs ruisselaient de sueur. Plus il se rapprochait du dénouement de son récit, plus les muscles de sa mâchoire se tétanisaient. Ses tremblements se propageaient jusque dans le bois de sa minerve et les ressorts du lit. « And ?» le relança Octavio. « Ce livre que vous avez dérobé, il était aussi récent que vous le pensiez, vous aviez raison ?» Ces questions poussèrent le professeur Wolfe à se reprendre. « Non, jeune homme, j'avais tort. Tort. Au-delà de tout ce que j'avais imaginé, les livres de E.D. sont beaucoup plus anciens. » Le professeur Wolfe glissa une main sous le matelas de son lit de camp. Il en sortit un paquet de cigarettes qu'il avait dû se procurer au marché noir. Ce fut en voyant la flamme du briquet rougir dans la pénombre qu'Ophélie réalisa que le crépuscule venait de s'abattre sur toutes les vitres de la serre. L'air était absolument silencieux. Plus un souffle de vent, pas une stridulation d'insectes. Les livres de E.D. n'ont pas été écrits après la déchirure, déclara alors le professeur Wolfe dans un nuage de tabac. Ils ont été écrits avant. Ophélie sentit un frisson lui remonter le dos comme un courant électrique. « C'est impossible !» souffla Octavio. La cigarette du professeur Wolfe grésilla. Sa voix prit la même consistance fantomatique que la fumée qu'elle expirait. « C'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai découpé un morceau de page pour le soumettre à l'un de mes confrères. Je ne lui ai donné aucune indication sur la provenance de cet échantillon. Il a confirmé mon expertise. » La composition même du papier ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Sa durée de vie défie l'imagination. En d'autres termes, articula le professeur Wolfe, les contes de E.D. n'ont jamais décrit le Nouveau Monde. Ils l'ont anticipé. Ophélie fut saisie d'un vertige brutal, comme si elle venait de découvrir que sa chaise était suspendue au-dessus du vide. La dernière fois qu'elle avait éprouvé cela, c'était quand elle avait lu le livre de Farouk. La déchirure, les arches, les familles, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, énuméra le professeur Wolfe, tout était planifié et E.D. le savait. Impossible, répéta Octavio. Ses yeux luisaient comme des prunelles animales à travers le soir. Il faisait de moins en moins clair dans la serre. Les silhouettes des plantes se détachaient à peine sur le fond indigo des carreaux. Le minuscule brasillement de la cigarette disparut quand le professeur Wolfe l'écrasa. Ses mots se firent télégraphiques. « Les livres de E.D. sont dangereux. Ma vie a basculé à cause d'eux, littéralement, du haut de mon escalier. » « Qui ?» le pressa Ophélie. « Qui vous a poussé ?» La respiration du professeur Wolfe s'accéléra dans le noir. « Il ne m'a pas poussé. Il n'a pas eu besoin de le faire. Il est simplement apparu devant moi, surgi de nulle part. Il n'a eu ni à me toucher, ni à me parler. Sa seule présence m'a... » Il se tut. Il n'avait pas besoin de le dire. La terreur lui étriquait la voix. Et vous voulez savoir le plus ironique dans l'affaire? C'est que je ne me rappelle même plus à quoi il ressemble. Je me revois en train de monter l'escalier. Il m'attendait en haut des marches. Et puis, je ne sais pas, c'était comme tomber dans un cauchemar, non? Dans la matière même du cauchemar, pas une image, pas un son, juste un gouffre d'absurdité, le néant dans toute son horreur. Le professeur Wolfe inspira lentement, profondément, pour apaiser les saccades de son souffle. C'est ma logeuse qui m'a trouvé au pied de l'escalier le lendemain, brisée dans mon corps et dans mon âme. Le livre que j'avais volé, je me suis rendu compte plus tard qu'il n'était plus chez moi. J'ai appris par la suite qu'il avait été replacé sur son étagère, au mémorial. Personne ne semblait s'être aperçu de rien là-bas. À Babel, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Le professeur se mit debout dans un grincement de ressort. Voilà pour ma vérité, dit-il d'un ton désabusé. Je n'ai rien d'autre à vous raconter qui ne soit plus pitoyable encore. Quand j'ai su qu'il y avait eu de nouvelles agressions au mémorial, j'ai fui mon appartement et je me suis cloîtré ici comme un lâche. J'avais peur, viscéralement peur, qu'il revienne me rendre visite. Je ne comprends ni ce qu'il est, ni ce qu'il veut. La seule chose dont je suis convaincu, cracha-t-il entre ses dents, c'est que vous l'avez attiré jusqu'ici. Les mots de son rêve frappèrent Ophélie de plein fouet. « Si tu cherches, y dit, l'autre te trouvera. »« Je devine ce qu'il veut, » chuchota-t-elle. Miss Silence a jeté tous les comptes de Idi à l'incinérateur, et c'est certainement ce qui lui a valu d'être épouvantée à son tour. Tous les comptes, dit-elle d'une voix plus forte pour couper Octavio et le professeur Wolfe qui entr'ouvraient déjà la bouche, à l'exception d'un seul, l'ère des miracles. Ce livre a réchappé à la destruction et disparu de la circulation. Si votre mystérieux visiteur protège l'œuvre de Idi, comme je le crois, alors c'est ça qu'il cherche. Peut-être que Mediana et le Sans-Peur se sont mis en travers de son chemin sans le savoir. La question d'Ophélie resta en suspension dans les airs. Le silence entre eux trois se fit aussi dense que la nuit qui était tombée pour de bon. Les yeux qu'Octavio écarquillait étaient désormais la seule source de lumière dans la serre. L'ombre du professeur Wolfe finit par se mettre en mouvement. Ophélie sursauta quand il lui jeta sur les genoux une corbeille dont se dégageait une puissante odeur de figues. « Mangez et dormez pendant que je monte la garde. Vous ne trouverez plus aucun tramoiseau à cette heure pour vous ramener à votre conservatoire. N'approchez surtout pas du lit, » marmonna-t-il en s'éloignant. « C'est quelqu'un d'autre que moi s'y couche. Il se refermera comme une huître. »